France Bleu Orléans, 18h-19h, Le Grand Bûcher, Laurent Seguy, Denis Baudin. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nouveau dérapage du maire communiste de Saran cette semaine. Michel Guérin ayant déclaré dans un article de la Tribune d'Orléans ne pas être dérangé que les homosexuels vivent ensemble, mais que c'est une fuite en avant par rapport à la race humaine. Des propos condamnés immédiatement par les associations gays et lesbiens et par le Parti communiste, par le biais de son secrétaire départemental Marc Brinol, qui s'est dit choqué ce matin sur notre antenne. Une polémique qui ne surprend personne s'agissant de Michel Guérin, mais est-ce le dérapage de trop? Les autorités le redoutaient. Jeudi matin, très tôt, un jeune homme de 21 ans s'est tué à Nantes à la sortie d'un apéro géant organisé via Facebook. Des rassemblements échappant à tout contrôle et qui se transforment la plupart du temps en une gigantesque beuverie. Doit-on les interdire et si oui, comment? Enfin, le maire de Montargis a décidé, document à l'appui, de rappeler à ses concitoyens les règles de bonne conduite dans les rues de la ville avec menace à l'appui d'amende en cas d'infraction. Tourner cette fois sa langue dans sa bouche, un mort pour rien et citoyen responsable au menu de la soirée. France Bleu Orléans, 18h-19h, Le Grand Bûcher. Et avec nous autour de la table ce soir, Monique Lemoine de l'association Mixité. Bonsoir Monique. Bonsoir à toutes et à tous. Gilles Flouret, organisateur de spectacles. Bonsoir Gilles. Bonsoir à toutes et à tous. Joli. Richard Ramos, rédacteur en chef de La Feuille de Chou et d'infocantine.com. Bonsoir Richard. Bonsoir à tous. Et à toutes. Xavier Nicolas également à nos côtés, observateur de la vie locale. Bonsoir Xavier. Bonsoir à tous et à toutes, et j'en profite pour saluer Mathieu Maillard qui nous écoute. Et qui est de repos d'ailleurs, hein, RTT aujourd'hui. À mes côtés également, Denis Baudin, rédacteur en chef de la rédaction de France Bleu Orléans qui coanime cette émission. Bonsoir Denis. Bonsoir, je vous souhaite la bienvenue. S'il n'y avait que des homosexuels, je ne serais pas sur Terre. Un nouveau dérapage de Michel Guérin, maire communiste de Saran. Un de plus, peut-être un de trop, Denis. Ouais, quatre petites lignes qui font couler beaucoup d'encre. Ça ne me gêne pas qu'ils vivent ensemble, mais c'est une fuite en avant par rapport à la race humaine. Propos tenu par Michel Guérin, le maire communiste de Saran, donc dans un article de la Tribune d'Orléans qui portait sur les cérémonies de Pâques célébrées dans certaines communes de l'agglo-orléanaise, des cérémonies qui ne seront pas prêtes d'être organisées dans la sienne. Les associations de gays et lesbiens ont rapidement agi, ainsi que des responsables et militants du PS et du PC. Marc Brinol en tête, le secrétaire départemental du Parti communiste, qui a condamné ces propos, qui vont, dit-il, à l'opposé de l'action du PCF. Le conseiller général communiste Michel Ricoux condamne également les propos du maire de Saran. Michel Guérin, lui, nous a confié assumer et maintenir ses propos. Il indique vouloir organiser un débat public la semaine prochaine à Saran sur l'homosexualité. Alors, Xavier Nicolas, là, est-ce qu'on peut comprendre, à défaut d'accepter, les propos de Michel Guérin? C'est une autre génération qui n'est pas la nôtre, qui n'a pas forcément connu, la nôtre n'ayant pas forcément connu, on va dire, la mise au ban des homosexuels. Donc quelque part, si on replace, pas dans le contexte, mais dans l'état d'esprit dans lequel Michel Guérin se trouve, ça peut se comprendre. Moi-même, nous-mêmes, dans nos familles, on a souvent des gens d'un certain âge qui... ont une position sur la question, on va dire, tolérante, mais pas plus. Bon, en l'occurrence, Michel Guérin ouvre non pas un débat, puisque l'homophobie qu'il manifeste est parfaitement claire. Ben, toutefois, je pense que c'est plutôt à mettre sur le compte de l'âge et de la, on va dire, de la génération auquel il appartient, plus que, on va dire, une compréhension. Par ailleurs, j'ai eu une information qu'il semblerait que ce soit avant tout aussi chez lui un problème familial. Donc, j'ai pas plus d'informations là-dessus, mais apparemment, il y aurait des petites tensions familiales qui pourraient expliquer, on va dire, cette homophobie gériatrique. Richard Ramos, problème générationnel, les propos de... Je pense Guérin. Que moi, c'est quand j'ai lu ça, je me suis dit, à Failly-aux-Loges, on a une maison de retraite. Je voudrais lui trouver un petit lit, quoi. Il est devenu sénile, le vieux. Je me suis dit, c'est pas possible. On sait qu'il est temps qu'il parte à la retraite. Lui-même annonce son départ. Et ça serait bien, parce que on peut pas tenir des propos pareils. Je dirais, on a beau mettre ça, etc. On connaît l'homme, c'est un mec intelligent, c'est un mec rusé, c'est pas le fruit du hasard. Ça n'est pas la première fois, si vous me permettez. Il y a 4 ans, sur cette même antenne d'ailleurs, sur France Bleu Orléans, interrogé sur son soutien à des faucheurs anti-OGM, il avait déclaré, je cite, « Les homosexuels, c'est comme les OGM, c'est pas naturel ». Voilà. Alors, bon, faut être clair, on peut pas... Il y a des choses qui sont familiales et à l'antenne de cette radio, il y a des choses qui restent à l'intérieur. Il semblerait que proche de Monsieur Guérin, il ait des membres de sa famille qui soient homosexuels. Et que ça l'embête et que ça le gêne et que ce propos-là n'est pas un propos dans le cadre familial, c'est un propos dans le cadre de sa fonction et c'est là où c'est grave, c'est-à-dire que dans le cadre de sa fonction il n'a pas le droit et c'est impossible de régler éventuellement un mal-être personnel. Et c'est là auquel il faudra qu'il s'explique. Et si on est en réunion publique face à lui, on ira là pour le coup le chercher. Et donc je pense que là il faudra qu'il s'explique. Mais si c'est lui en tant qu'homme qui parle, ou si c'est l'élu qu'il est, en tant qu'élu, je condamne ses propos et je les condamne très fermement. Après, d'un point de vue personnel, j'ai envie de dire, je condamne aussi ses propos, mais libre à lui. Et puis je trouve que de temps en temps, il faut savoir tirer sa révérence. Et je pense que c'est dangereux pour l'image d'une ville. Il a fait beaucoup pour sa ville, que on termine un petit peu, vous savez, comme ces vieux artistes qui font le concert de trop. Et ben j'ai envie de dire que là, en ce moment, avec Michel Guérin, c'est les petits mots de trop. Alors j'ai envie de dire, tire ta révérence, l'artiste, t'as fait du boulot, mais arrête-toi en tout cas. Mauvaise image pour Saran, Monique. Ah, vous savez, moi, je suis très peiné de ces quatre lignes dans la tribune pour plusieurs raisons. La première, c'est que il faudrait peut-être commencer par dire qu'est-ce que c'est que être lesbienne ou être homosexuelle. C'est tout simplement aimer une personne et se rendre compte qu'elle a le même sexe que vous et ne pas y renoncer. Être homosexuelle ou être lesbienne, c'est avant tout une histoire d'amour. Alors derrière ça, il faut se poser la question, pourquoi Michel Guérin a-t-il un problème? Est-ce qu'il a un problème avec sa sexualité, avec la sexualité des autres, avec les images que peuvent être deux femmes ou deux hommes qui s'embrassent ou qui s'aiment, je ne sais pas. Bon, Richard vient de le dire, hein, c'est en tant que maire inadmissible. Inadmissible. Il a un statut, il représente une commune. Moi, j'espère que quand les Saranais, les Saranaises vont le voir, ils vont lui dire, écoutez, mais là, ça va pas, vous dérapez, ça va pas du tout. Maintenant, je vous rappelle quand même que nous avons reçu le 8 mai, ici même, David Douillet. Il a pas le même âge, il est pas maire, c'est pire, il est député. Il a accepté pendant le défilé, je vous signale quand même, oui, de porter un badge. Baptiste Chapuis est allé lui proposer le petit drapeau, le petit badge arc-en-ciel, il l'a pris, mais est-ce que ça veut dire pour autant qu'il a changé d'idée? Ce que n'a pas accepté Serge Gouin, par exemple. Oui, mais Serge Gouin n'a pas tenu non plus les mêmes propos que David Douillet. C'est alors vrai. Bon, il y a beaucoup de maires hein, dans l'agglomération qui peut-être pensent la même chose. Oui, mais de là à le dire, de c'est pas ça le problème. Dire, voilà, c'est ce que vient de dire Richard. Entre ce qu'on proclame publiquement, c'est autre chose. Bah de par sa fonction, qui plus voilà, est. Voilà, sa fonction. Et alors, par contre, Xavier, moi, je ne suis pas pour la tolérance. La tolérance, ça veut dire, si je dis Xavier, je te tolère, ça veut dire que moi, je me mets sur un piédestal et que toi, t'es différent, donc je te tolère, je vous tolère. Moi, je ne suis pas pour la tolérance, je suis pour l'égalité. Donc on n'a pas à tolérer les homosexuels, on a à les considérer comme nos égaux. Gilles, le dérapage de trop. C'est une Georges Fréchade, non? On a aussi un peu ce caractère-là dans l'aglo de Michel Guérin, qui permet aussi de parler de lui alors qu'il est en train d'abandonner son mandat et qu'il l'a dit clairement. On est un peu. Moi, je suis d'accord avec Richard. C'est la sortie de trop. C'est le. Ça sent une fin de règne qui finit en eau de boudin, si vous me permettez. Oui, mais il a eu. Gilles, est-ce que c'est vraiment honorifique? Non, absolument pas. Non. Je crois pas qu'il a besoin de ça pour faire parler de lui. C'est triste, parce qu'il a d'autres choses à défendre sur ce qui s'est passé à Saran et sur le mandat qui a exercé. Et d'autres débats à avoir, d'ailleurs, si on est d'accord ou pas d'accord, hein. Je pense qu'il y a d'autres choses. Et placer finalement le débat sur ce terrain-là, que ce soit un rebond ou un relan de sa vie personnelle, et ça, c'est à lui de le gérer. Effectivement, on n'a pas à en parler sur la place publique. Après, quand ça apparaît comme ça, effectivement, on a donné nos avis. Effectivement, je pense que le débat est un débat qui regarde globalement, même si je pense que c'est pas facile tous les jours pour les gens qui se retrouvent dans une situation comme ça. Peut-être que ce serait à son honneur de rebondir sur un débat plus ouvert sur le sujet. On pourrait imaginer ça, mais ça peut être le propos et l'idée. Il indique qu'il veut organiser un débat public la semaine prochaine à Saran sur le sujet, sur la question pour de dire la sexualité. Oui, voilà quoi. Le thème n'est pas très clair d'ailleurs. Non. On débat pas avec quelqu'un qui dit que c'est d'abord qu'il changera pas jamais. Je ne changerai jamais sur ce point. Qu'est-ce que vous voulez avec débattre avec quelqu'un qui d'emblée vous dit pour moi les homosexuels c'est pas normal, c'est des gens qui sont mauvais pour l'humanité. Qu'est-ce que vous voulez aller débattre avec quelqu'un qui pense ça? Moi franchement, j'ai pas envie d'aller débattre avec lui là-dessus. On poursuit dans un instant le débat, il est 18h16. Réagissez vous aussi dans le Grand Duché par mail bleuorléans@radiofrance.com. À nos côtés ce soir, Richard Ramos, Gilles Fleuret, Monique Lemoine, Xavier Nicolas, Denis Baudin et donc le dérapage de Michel Guérin qui a tenu des propos homophobes cette semaine dans un article de la Tribune d'Orléans. On peut quand même s'interroger sur le manque de réaction de la droite parce que notamment le Parti communiste s'est dit très offensé, notamment ce matin sur notre antenne. Parti socialiste aussi. Parti socialiste. On n'entend pas l'UMP, par exemple, Richard. Non, mais de toute façon, le problème de l'homosexualité dans le politique, aujourd'hui, ça pose souci. Je veux dire, il y a des sujets comme ça qui sont un peu tabous et qui sont aujourd'hui pas mis en dialogue. Donc je pense qu'il y a des gens qui sont relativement mal à l'aise avec ces sujets-là. Il y a eu à l'UMP, alors pas localement, mais au niveau national, des gens qui se sont exprimés très clairement face à l'homosexualité et qui l'ont fait. Parce qu'il y a des homosexuels à l'UMP comme dans la société. En politique, donc, c'est comme en sport. Vous savez que l'homosexualité, on a tendance à la cacher. Mais c'est vrai. Moi, ma crainte, c'est simplement dans, je pense, une société qui va se radicaliser dans les mois et les années qui viennent, que ces sujets-là, qui sont des sujets pas simples, complexes. Moi, j'ai mis un certain temps, par exemple, à pouvoir admettre l'adoption par les homosexuels. Vous m'auriez posé la même question il y a 4-5 ans. J'étais pas ouvert à ça, alors qu'aujourd'hui, je trouve ça naturel. Et donc, ce qui me fait peur, c'est que on va avoir dans les années qui viennent une droite qui va se droitiser, qui va courir derrière le Front National, et ce genre de sujet comme l'immigration, malheureusement, va devenir très radical. Et on va avoir une droite qui va être frileuse d'annier le mouvement social, le mouvement de notre société. Et je pense que la droite, plus ça va aller dans les mois qui viennent, les années qui viennent, courant derrière le Front National, parce que pensant ne pouvant pas être élu sans les voix du Front National sur ces sujets-là, on va avoir des dérapages. Alors justement, une nouvelle fois, pourquoi la droite et l'UMP en tête ne se précipitent pas sur ce dérapage de Michel Guérin, Monique? Ça, moi, je ne peux pas... On les entend pas, pour le coup. Je ne peux pas dire, mais on vient d'entendre le pape, si vous voulez. Alors bon, c'est peut-être un petit peu... Qui blâme l'avortement et le mariage gay. Voilà, hein, bon, alors, si, bon, là, ils sont dans le même combat, puisque... Moi, je comprends le pape pas... et Michel Guérin, même combat. Non, c'est pas ce que je disais, Denis, mais... Le pape est peut-être plus dans son rôle, Monique. Non, mais alors... Quel est le rôle du pape lui reprocher après, de parler de l'homosexualité? Qu'est-ce qu'il en sait de l'homosexualité, lui? La sexualité tout court. Hein. Il aime quelqu'un et ou alors voilà. Quand vous pensez qu'il y a quand même un évêque, le deuxième du Vatican, qui avait fait le rapport entre la pédophilie et l'homosexualité, absolument. Vous direz. Il y a quelques semaines, c'est des concepts. C'est, chez eux, c'est des choses qu'on entend à droite. Rappelez-vous quand même quand Christine Boutin est venue à Orléans. Moi, je m'en souviens. Dire avant le Pax, au moment où la loi sur le Pax était en discussion, dire les PD au bûcher. Bon, c'est bien la droite, quoi. Alors, on les entend dans la rue quand il s'agit de démolir une loi. Là, je sais pas, ils ont peut-être pas envie de se prononcer là-dessus, parce que si Denis, par exemple, pose une question à Serge Rouard ou à un autre maire de droite, peut-être qu'il serait embêté de répondre. C'est peut-être ça, en fait. Xavier, le silence de la droite? Pourquoi la droite devrait-elle s'exprimer là-dessus? Je veux dire, à part pour faire un rebond politicien. Ne serait-ce peut-être que pour dire qu'elle n'est pas d'accord avec ses propos, comme le dit le Parti Socialiste ou le Parti Communiste. Comme le dit Richard, d'abord, ils font partie, on va dire, d'une unité, locale d'opposition. Et donc, en l'occurrence, ils ont besoin, on va dire, de se différencier dans les paroles quand l'un d'entre eux s'exprime. En l'occurrence, à droite, à part remettre de l'eau au feu, qui pourrait éventuellement être une manœuvre politicienne, mais bon... À l'époque où il y a pas vraiment d'enjeux électoraux actuellement, ce serait parfaitement utile. Bon, ils pourraient le faire pour la forme. Bon, je vois pas trop l'intérêt pour eux à droite de s'exprimer sur la question. C'est vrai par contre qu'ils auraient peut-être pu souligner le fait que la couverture médiatique a été entre guillemets assez importante au moment de la venue de David Douillet dans l'agglomération, alors que il a fait, on va dire, des dérapages de sportifs pas forcément très fins. Et dire bon de toute façon de l'homophobie il y en a à gauche comme à droite, et en l'occurrence je considère pas que l'homophobie c'était de l'homophobie de la part de David Douillet, mais plutôt du langage fleuri comme on peut en avoir dans le sport de haut niveau. Donc là en l'occurrence je dirais que c'est plutôt une attitude neutre qu'ils se doivent d'avoir, et on n'a pas à s'exprimer sur la question. Ils le laissent tout simplement se prendre les pieds dans le tapis et sans réel enjeu pour l'avenir de toute façon. Monique. Oui, moi je voudrais revenir sur un peu le l'âge, parce que Richard avait l'air de dire que c'était parce que bon, il était âgé. C'est Xavier hein, surtout qui insiste là-dessus, Xavier qui insiste là-dessus. Parlait de problèmes peut-être générationnels, oui, on va dire. Bon, moi je ne le pense pas pour être tous les jours dans les couloirs de mon lycée et entendre des insultes. L'insulte la plus courante entre les garçons, c'est PD. S'insulte. Alors là, je vous parle du lycée, mais dans les petites classes aussi, hein, dans l'école primaire, on se traite aussi. Donc c'est pas forcément une histoire d'âge, de dérapage générationnel. C'est une espèce encore de stigmatisation de la société qui est acceptée par la société. Et les filles entre elles s'appellent comment? Non, c'est pas une insulte. C'est pas ce genre d'insulte. Non, mais les filles entre elles, comment elles s'appellent? Ah, elles se traitent aussi de sale ceci, sale arabe. Elles se traitent de sale arabe. Non, mais pas sexuelle. Mais si, si, si. Moi, j'ai une fille qui joue au football. Oui, alors, vas-y, qu'est-ce qu'elle dit? Et dans le milieu féminin, il y a des lesbiennes. Eh bien, celles qui ne sont pas lesbiennes, je peux vous dire qu'elles en mettent le langage est fleuri pour traiter leurs camarades. Donc, ce langage-là, aujourd'hui, il est également dans le sport féminin, il est très très violent, hein. Très très violent. Oui, moi je vous parlais plutôt du lycée, les filles se traitent de P. Ouais. De P. Voilà. Donc en fait, il y a toujours une connotation sexuelle toujours, à ce moment-là. Toujours. Donc en l'occurrence, on va prendre la faiblesse sexuelle de l'autre, on va dire, par rapport à faiblesse, c'est pas une faiblesse. À l'aspect culturel. Oui, non, par rapport à l'aspect culturel de la chose, et qu'en l'occurrence, c'est, on va dire, un détournement de la norme, la vision de la norme, plus ni moins. Faut pas forcément voir ça comme de l'homophobie galopante, ou on va dire de la stigmatisation sexuelle galopante. Alors je veux vous signaler quand même qu'une action pour lutter contre l'homophobie est organisée demain samedi sur la place du Martroi à Orléans, ce qu'on appelle les Kiss In, à partir de 14h, les hétéros, les homos, en couple ou tout seul d'ailleurs, hein, on est tous invités à s'embrasser ou au moins à se tenir la main pendant 5 minutes. De dire non aux discriminations. J'irai, je mettrai mon écharpe, je mettrai mon écharpe et j'invite Michel Guérin à venir t'embrasser. À venir m'embrasser. Et pourquoi pas? Et peut-être qu'on verra, et là, s'il accepte, peut-être que ça sera au nom de l'égalité. Richard, le mot de la fin. Oui, je voulais simplement dire qu'il faut être aussi prudent, c'est des sujets qui sont pas faciles. Moi, je me rappelle aussi du Parti Socialiste qui avait défendu quelqu'un qui avait été viré d'un restaurant, soi-disant pour homophobie. Et donc on a mis sur la place publique le nom de ce restaurant que je tairai à Orléans, et à la fin on s'est aperçu au prud'homme que cette personne-là n'avait pas été virée pour homophobie. Donc le Parti Socialiste, de temps en temps, qui veut faire son intéressant sur des grands sujets dans les salons, aime bien se prononcer sur ces grands sujets sociétals. Toujours apprendre avec il faut toujours être très très prudent. Voilà, c'est tout ce que je veux dire.